Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme tous les 15 jours, on va parler donc de jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo. Et pour cette 37e édition que je vais co-animer avec Fanny, souvenez-vous, on l'avait croisée aux premières émissions de la saison. On va parler jeux et santé, mais comment exactement ? Parce que comme ça, c'est un peu flou, Fanny. Alors on va parler de jouer pour soigner. Quand on pense à ces thématiques-là, on a souvent comme première idée la thérapie par le jeu, par exemple. À la dernière émission, Morgane Régnier nous a notamment évoqué la pratique du GDR en thérapie pour soigner. Mais on a voulu aujourd'hui aborder une nouvelle forme auquel les auditeurs ne pensent pas forcément, c'est le jeu pour apprendre à soigner. Le jeu, le serious game plus particulièrement dédié à l'apprentissage de la médecine. Donc pour en parler, aujourd'hui on a invité Marc Cugia qui est PUPH, donc prof d'université et praticien hospitalier au CHU de Rennes, qui est spécialiste en informatique médicale et à l'analyse de big data en santé. Et donc bienvenue Marc. Et comme première question, on voulait te demander quels sont les types de jeux, les types de pratiques ludiques pour la pédagogie, l'apprentissage de la médecine qui te viennent à l'esprit. Bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité pour discuter de ces sujets. Donc je m'intéresse à ces domaines de façon indirecte parce que je suis spécialiste en informatique médicale et effectivement les serious games et la pratique de jeu peut être utile à la pédagogie. Donc ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est bien sûr les activités de simulation en fait. De simulation, pourquoi ? Parce que très rapidement on se trouve devant un dilemme hein, de nombre d'étudiants en médecine qui est assez considérable aujourd'hui hein, et de patients qui ne sont pas forcément d'accord pour être examinés par une grande cohorte d'étudiants. Donc ça c'est un élément, et puis lorsqu'on s'entraîne sur des gestes qui peuvent être effectivement avoir avoir un accès sur l'intégrité physique de la personne, il est important de pouvoir le faire jamais sur un humain d'abord. En fait, c'est ça la vraie question de la simulation, c'est jamais sur un humain d'abord. Donc il y a tout un ensemble de simulateurs hein, qui existent depuis très longtemps, alors pas forcément électroniques, hein, parfois ce sont des mannequins hein, sur lesquels on va s'entraîner, et on a vu la technologie effectivement se développer de façon extrêmement importante pour rendre ces simulateurs de plus en plus convaincants, de plus en plus proches de la réalité et de pouvoir justement permettre de mettre les étudiants dans des conditions quasi réelles de pratique, mais sur simulateur, et de mesurer leur performance pour réaliser un certain nombre d'actions. Ça, c'est le premier plan, point. Donc, la simulation est un des éléments qui se développent énormément aujourd'hui dans les établissements. Hein. Par exemple, le CHU de Rennes met beaucoup de moins d'énergie pour développer cette approche. Mais partout sur le territoire, on voit arriver ces aspects. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est probablement la coopération qui est absolument nécessaire pour résoudre des situations aussi complexe. Pourquoi ? Parce qu'en médecine, on est souvent dans des situations d'incertitude. On a finalement un certain nombre d'informations dont on dispose sur le patient. Il faut prendre une décision avec un bénéfice pour le patient en limitant le risque. Et ça suppose d'avoir une approche collaborative, multidisciplinaire, de pouvoir se respecter, de pouvoir entendre les uns, les autres, mais aussi le patient. Et donc là aussi, il y a toute une stratégie qui permet de développer ces capacités, hein, ces facultés, grâce aussi au jeu. Hein. Donc, il y a quelques années, on avait des modèles de cette nature qui ressemblaient carrément à un jeu de rôle qui s'appelait l'aide au raisonnement clinique, hein. L'apprentissage au raisonnement clinique, exactement, donc les ARC, qui venaient, c'était des jeux de rôle hein, qui viennent notamment de l'université de Sherbrooke au Canada, hein, qui était très en pointe sur la pédagogie médicale. Et donc l'idée, c'était que finalement, un étudiant en médecine jouait le rôle du patient, donc connaissait tout le scénario. Et puis, les autres étudiants en médecine jouaient le rôle des docteurs et se mettaient en situation quasi réelle de consultation, pouvaient demander l'avis des uns, des autres. Et l'idée, c'est que l'enseignant était simplement un tuteur et, observait et cornaquait, en fait, ou donnait un feedback pour bien que les questions soient posées dans le bon sens. Avec une stratégie d'élaboration d'une hypothèse diagnostique argumentée. Voilà. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont extrêmement importants à mettre en place très tôt. Et cette approche ludique, elle me semble absolument nécessaire. Parce qu'il faut prendre du plaisir à ce que l'on fait. Donc l'enjeu de plaisir trouvé dans l'interaction est absolument fondamental. Et on sait que, d'après les derniers travaux de neurosciences, on sait que l'apprentissage ludique, c'est certainement celui qui fixe le mieux la connaissance. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans un rapport entre des connaissances théoriques. Hein. On apprend beaucoup de choses théoriques en médecine. Hein. En ma première année, interroger les premières années, ils sont saturés de connaissances. Et il faut mettre en exercice, hein, et en raisonnement toute cette connaissance sur des choses qui sont réelles et parfois dans des situations d'incertitude. Et donc ce rapport entre la connaissance pure, hein, et puis l'interaction physique avec le patient, son environnement, les professionnels de santé, ce mécanisme d'aller-retour entre la théorie et la pratique, c'est quelque chose qui peut passer par des mécanismes d'apprentissage liés au jeu. Et c'est vraiment l'approche que l'on défend en simulation et dans ce qui était les apprentissages au raisonnement clinique. Effectivement, c'est intéressant parce que ça regroupe quasiment les trois typologies de jeux du podcast, puisque il y a autant du jeu vidéo, du jeu de rôle, on en a parlé, et même du jeu de société quelque part, les simulations mécaniques pour reprendre les mannequins, etc. C'est quelque chose de l'ordre du jeu de société. On a vu l'éducation du praticien, du médecin, mais est-ce qu'il existe, et sous quelle forme, des jeux éducatifs pour les patients, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué peut-être à être soigné. Ça peut demander, je sais pas, quelqu'un qui manipule notre corps, c'est pas forcément évident pour tous. Alors, je sais qu'il y a toute une offre aujourd'hui de dispositifs ludiques à destination des patients, plus dans une approche soit d'apprentissage à l'autonomie thérapeutique, par exemple, hein, ou à la progression aux soins, en fait. Hein. Alors, j'ai en tête un projet qui avait été présenté à SEGAMED il y a quelques années. Alors, SEGAMED, c'est l'événement sur le Serious Game et qui est organisé notamment par mon confrère Pascal Stassini à Nice, qui œuvre beaucoup dans le domaine. Donc, cette expérience, c'était utiliser une Kinect, donc qui était un système, donc je crois, basé sur la Xbox, hein, et qui permettait de détecter les mouvements des patients en rééducation, des patients qui avaient des accidents vasculaires cérébraux et qui devaient se rééduquer. Et donc l'idée, c'était de développer un jeu, hein, je crois que il s'agissait de chasse aux poissons ou une pêche, voilà, et que les mouvements, en fait, qui étaient nécessaires pour capturer les poissons soient d'une part guidés pour que les mouvements soient les mouvements proposés fassent progresser le patient. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces données-là remonter en fait vers des thérapeutes et les thérapeutes pouvaient analyser les performances du patient, pouvoir voir leur progression et puis corriger éventuellement la thérapeutique. Donc on voit qu'il y a déjà dans ces problématiques-là un aspect d'interaction avec l'équipe soignante à travers donc un jeu utilisant une plateforme de jeu classique. Et un autre aussi élément très intéressant, c'est que ces jeux deviennent des dispositifs médicaux avec qui font l'objet d'une certification, puisque finalement l'idée, c'est que ces jeux à visée thérapeutique soient prescrits comme un médicament ou comme un dispositif médical implantable, comme une prothèse ou que sais-je. Donc ce sont véritablement aujourd'hui des jeux, en tout cas pour une partie, à destination des patients qui ont une indication et on mesure leur efficacité avec des études de recherche clinique standardisées, hein, qui permettent de démontrer le bénéfice de ces outils. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça montre que ces approches ludiques sont prises très au sérieux. C'est bien, parce qu'en fait, ça a amorcé ma question suivante, qui était justement l'évaluation de ces de ces jeux. Ça doit être peut-être compliqué parfois de faire évaluer la pratique ludique pour savoir est-ce que cette pratique ludique, d'un point de vue pédagogique, fonctionne pour les étudiants, est-ce que ça fonctionne aussi pour les patients qu'on veut, est-ce que ce jeu-là va vraiment bien apprendre aux patients à gérer même la prise de médicaments. Là, je pense à la plateforme Ludomédic, en fait, qui s'adresse, alors il y a une partie pour les professionnels de santé, il y a une partie aussi pour les enfants, notamment sur je suis malade et je vais à l'hôpital, comment ça se passe. Donc ça apprend à l'enfant à être en milieu médical, mais je me dis, il y a eu un moment quand même où ça a dû être évalué par des médecins, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, c'est vrai que l'évaluation dans ce domaine est toujours très, très compliquée, parce qu'on ne sait jamais si c'est strictement lié au jeu ou à l'environnement que le patient ou l'étudiant peut rencontrer. Quoi qu'il en soit, alors sur les Serious Games, je pense qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui ont permis de démontrer, soit sur le plan fondamental, par une approche plutôt de neurosciences, soit sur des approches plus évaluatives, effectivement en situation, l'intérêt de ces dispositifs. Moi, je crois que en réalité, rien ne vaut l'apprentissage par un maître au lit du patient, enfin, comme on l'a bien connu depuis au départ, hein, mais qui aujourd'hui devient difficile, hein, aujourd'hui, parce qu'on a moins d'enseignants, plus d'étudiants, moins de patients qui sont disponibles. Donc peut-être le bénéfice n'est pas forcément supérieur à une approche de compagnonnage, de transmission d'un art, de connaissances, mais au moins permet de démultiplier et et d'assurer une formation à plus large échelle sans trop perdre en performance. Donc ça, c'est pour les patients, les étudiants. Pour les patients, je crois que l'objet, effectivement, c'est de rentrer dans une politique d'évaluation stricte, hein, s'appuyant sur des méthodologies robustes. Hein. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de projets de recherche qui évaluent les serious games avec une approche en double aveugle, avec des méthodes, je dirais, avec des méthodes statistiques robustes et qui montrent le bénéfice ou pas, hein, de telle ou telle approche. Je crois qu'il faut rester prudent quand même sur ce qu'on en annonce, hein, et regarder les performances chiffrées de ces dispositifs. Mais en tout cas, dans une approche thérapeutique, je pense qu'elle est indispensable, mais aussi dans l'approche d'apprentissage. Et c'est ce que j'allais dire, ce sera peut-être pas pour tout de suite qu'on va se faire prescrire deux parties de oui par jour. Ça paraît peut-être un peu ambitieux. Autre point où jeu et santé se retrouvent, c'est peut-être que le jeu est aussi un espace d'expérimentation et d'observation. Je pense au cas de World of Warcraft, où il y a eu un cas d'épidémie qui avait été observé. Est-ce que justement comment le jeu peut être une plateforme d'observation, parce qu'on a parlé des données, mais qu'est-ce que ces données permettent de trouver en termes médical, que ce soit effectivement World of Warcraft où on a vu une épidémie se répandre, on a pu analyser les comportements des gens qui par exemple allaient sciemment contaminer d'autres gens ou qui paniquaient, etc. Warcraft, c'était la plateforme, le jeu en ligne. Ah oui, je me souviens. Alors, comment vous répondre? Non, c'est pas très simple. Bon, je pense que dans des mondes virtuels, finalement, on reproduit des comportements humains, et on peut aussi modéliser un certain nombre de choses. Ce que je vous répondrai, c'est que par rapport aux données, je pense notamment aux GAFA, Google, Apple, Amazon et autres Microsoft, hein. Ne s'y sont pas trompés, hein. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui sur l'internet des objets. On est tous équipés, toutes ces données, notamment de santé, remontent, hein. D'ailleurs, les applications liées à la santé sont souvent assez ludiques, hein. On est dans les réseaux sociaux, on va montrer le nombre de Night Plus ou de Night Fuel qu'on aura cumulé. On est dans l'auto-mesure, hein, le quantified self, hein, pour comprendre comment va notre santé. Et puis avec de plus en plus, hein, les balances connectées, les objets connectés sont assez ludiques, hein, dans leur présentation, dans leur ergonomie. Donc il y a réellement une approche de cette nature qui vise notamment à récupérer les datas. Ces données-là se retrouvent effectivement sur des serveurs qui ensuite font ces données font l'objet d'une réexploitation pour personnaliser en quelque sorte les services qui vous seront délivrés par ces mêmes sociétés. Donc je pense qu'il y a un enjeu très fort par l'intermédiaire d'applications aussi ludiques, de capture des données, de réutilisation de ces données qui ne sont pas forcément toujours à destination, dans une visée louable, hein, mais parfois commerciale. Hein. Donc là, c'est un enjeu très, très, très fort sur les datas. Je pense aussi à un enjeu sur les données, c'est l'ECN, hein, donc l'examen national classant, qui a été informatisé depuis juin dernier, hein, donc c'est une révolution numérique en France. Ah oui, donc l'examen national classant, donc à la fin de la sixième année, tous les étudiants passent un examen qui est l'examen national classant, qui permet de les classer justement pour choisir une spécialité et une ville dans laquelle ils feront leur spécialité médicale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour chacun des étudiants de médecine. Et donc, il faut vraiment performer. Et donc, jusqu'à présent, cet examen se passait sur des supports papier. Il y avait des corrections interminables. Et puis, pour plein de raisons, il y a eu la mise en œuvre d'un projet d'informatisation de cette ECN. Donc, les étudiants, maintenant, passent leur examen dans toutes les facs de France, déjà pendant la scolarité et pour l'examen national classant de 6e année, sur tablette, sur iPad. Et donc, bon, c'est pas forcément très ludique, hein, parce que pour les gens qui passent l'examen, mais en tout cas, c'est certainement plus interactif. Dans ces examens, il y a aussi des ressources audiovisuelles. Hein, on peut écouter le bruit d'un cœur, on peut voir des discussions entre un médecin et, par exemple, son psychiatre. Et puis, donc, on est plus dans l'interactivité, dans l'interaction, pour évaluer. Hein. Donc, c'est quand même, en tout cas, pour l'entraînement, c'est quand même assez ludique. Pour l'examen, c'est certainement stressant. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes ces données, hein, elles sont centralisées, hein, bien sûr, pour calculer les performances des étudiants et les classer. Mais surtout, ça va être un instrument absolument essentiel pour comprendre, en fait, quelle est la performance globale des étudiants. Quels sont on va avoir accès à des données qui sont extrêmement importantes pour savoir vers où et comment orienter notre pédagogie, puisqu'on va réutiliser ces données d'évaluation formative et sanctionnante qui sont aujourd'hui stockées et intégrées dans des serveurs de données. Donc l'enjeu sur les data, c'est extrêmement important, à la fois pour les patients, mais aussi pour les étudiants en formation. J'avais une autre thématique que le jeu peut s'approprier, c'est le cas du deuil. C'est vrai que on a fait référence au GAFA, Google, Facebook, Apple, et j'en oublie certainement. C'est aussi le jeu aussi peut se saisir du deuil. Je pense récemment il y a le jeu qui s'appelle Z Dragon Cancer, qui traite donc du cancer d'un jeune enfant et du coup comment les parents ont fait un travail de deuil. On a vu un chroniqueur jeu vidéo qui expliquait que il a rejoué sur la console le jeu de voiture avec lequel il jouait avec son père, et il a retrouvé le fantôme du record. Le jeu de course fait un fantôme pour le meilleur temps. Et le père avait pendant des années eu toujours le meilleur temps sur un circuit. Et en rejoignant des années plus tard, le fils a retrouvé le fantôme de son père dans le jeu, ce qui est très particulier comme sensation, on l'imagine. Comment le jeu et le serious game, que ce soit à destination des praticiens ou des patients, comment le jeu se saisit de cette thématique qui est pas évidente, qui est celle du deuil ? Alors, sans forcément avoir des supports numériques ou informatiques, hein, je pense que, par exemple, les procédés, l'annonce, par exemple, d'une maladie grave à un patient est devenue très protocolisée aujourd'hui. Hein, on ne fait pas comme il y a des années, parfois n'importe quoi. Hein, en général, les choses se passent avec responsabilité et professionnalisme, mais pour un étudiant qui est confronté, enfin moi en tout cas, la première fois où il fallait annoncer une mauvaise nouvelle à un patient, je n'avais pas forcément de formation pour pouvoir le faire et de méthodologie pour pouvoir le faire. Donc, les choses ont beaucoup évolué dans ce sens, et ça passe encore une fois par de la simulation, un jeu de rôle, hein, où on va jouer une annonce et à une interaction avec le patient. En général, on est plusieurs. Donc, c'est des choses qu'on peut simuler, hein, qu'on peut jouer en amont pour annoncer, par exemple, une mauvaise nouvelle, une proposition, par exemple, d'options thérapeutiques qui sont difficiles à amener. C'est très important. C'est parce que aujourd'hui on est dans une relation médecin-patient qui est en train de changer profondément, puisque les patients ont accès à Internet et à toute la connaissance. Il y a aussi une nécessité de responsabilisation des patients qui doivent pouvoir être acteurs de leur santé et prendre une décision en connaissance de cause. Il faut pouvoir amener ces éléments-là, avoir un langage compréhensible par les patients, et ça peut effectivement passer par le jeu, alors pas avec le patient bien sûr, hein, mais le jeu avec en simulation, en groupe. C'est absolument nécessaire, hein, de pouvoir s'entraîner de cette manière-là. Donc oui, même pour des situations graves ou tristes, les approches, je dirais, ludiques sont importantes parce qu'elles sont immersives en quelque sorte. Hein. Elles nous engagent dans l'interaction avec l'autre. Hein, quand on joue une partie de cartes ou une partie de jeu de plateau, on est engagé dans l'action et il faut suivre un certain nombre de règles du jeu avec une situation qui est incertaine. Comment va réagir l'autre? Est-ce que j'ai bien fait passer le message? Est-ce que je suis resté éthique? Enfin, donc c'est ces éléments-là qui sont importants à mobiliser, et le jeu ou la simulation peut être extrêmement intéressant de ce point de vue. Très bien. J'ai une autre approche là qui me vient à l'esprit en t'entendant parler. C'est la pression à gérer par les étudiants. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, les études de médecine, la première année, c'est quelque chose. Puis les études de médecine, voilà, il y a une certaine pression, il y a une activité qui est importante. À partir de l'externat, il y a les gardes. Voilà, il y a une activité importante. Et l'annonce aux patients, où il y a une responsabilité qui va mettre les étudiants sous pression, et les praticiens aussi, les professionnels de santé. Et je me dis, est-ce que l'approche ludique peut apprendre à gérer la pression? Je crois me souvenir avoir lu un article qui parlait notamment de mise en situation, de simulation de chirurgie avec le déclenchement d'accidents, d'éléments... perturbateur, merci, pour justement mettre sous pression les étudiants, voir comment ils réagissent, comment ils gèrent le stress. Est-ce que voilà, l'approche ludique peut aider à ça pour anticiper et voir comment les gens réagissent et leur apprendre à réagir? Alors oui, effectivement, la médecine peut être extrêmement stressante, hein, et une capacité, donc une qualité extrêmement importante pour un clinicien, c'est de garder son sang-froid en toute situation, et une capacité d'analyse et de décision, souvent dans des temps très courts. Donc quand il s'agit de disciplines dans lesquelles on se retrouve dans l'extrême urgence ou dans l'urgence, il faut pouvoir décider vite et de manière réfléchie. Et donc ça suppose de gérer son stress. Alors oui, il y a toute une série de serious games, pour le coup, alors là, qui existent de toute nature, hein, qui sont souvent parfois immersives, hein, complètement, ou pas, ou mixtes, hein, c'est-à-dire une partie instrumentale, une partie vraiment virtuelle, qui permettent de gérer, de simuler ces situations de stress, par exemple aux urgences, hein, avec l'arrivée de patients qui décompensent. Qu'est-ce qu'il faut faire, l'enchaînement des gestes, comment on gère l'arrivée massive de population dans un hôpital, par exemple. Ça peut être aussi organiser l'accueil des patients, ou alors pour un patient individuellement, enchaîner les bons gestes. Et donc, il y a des applications, il y a des jeux qui sont aujourd'hui téléchargeables, utilisables avec des scénarios. Il y a des salles de simulation, hein, où il y a vraiment, on recrée complètement les conditions d'un service d'urgence ou d'une table d'opération, et on va simuler avec donc un opérateur, hein, qui enchaîne les scénarios, qui va évaluer les étudiants dans ces situations. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement, qui se développe en tout cas, et notamment avec je pense que la réalité virtuelle, ou plus particulièrement la réalité augmentée, c'est-à-dire la superposition d'une couche d'information à ce que l'on voit en fait, hein, est un élément important. Ça peut être aussi des aspects, mais on quitte un peu le jeu, mais par exemple sur les Google, alors notamment à Rennes, hein, il y a des expérimentations avec des Google Glass, hein, qui permettent d'avoir le conseil d'un expert alors qu'on travaille sur le champ opératoire. On voit l'expert qui est derrière l'élève voit exactement ce que l'élève voit, hein, et donc ça c'est des éléments aussi intéressants, mais on quitte le domaine strictement du jeu pour parler de technologie tout simplement, mais effectivement l'immersion ou la capacité de créer quelque chose qui est pseudo-réel est un élément important pour justement s'immerger dans ce stress et puis gérer des situations d'incertitude en fait, hein. C'est ça l'élément clé à maîtriser en médecine et dans situation d'urgence. C'est intéressant que tu aies parlé des Google Glass et de la VR, donc la réalité virtuelle, pardon, où on vient s'immerger via un casque. Donc, maintenant, il y a plusieurs modèles actuellement sur le marché qui effectivement viennent immerger dans quelque chose. Et ça pose une autre question, en fait. C'est comment est-ce que la pratique est en train de se ludifier ? Par exemple, j'ai cette image. Alors peut-être que ça remonte et peut-être que ce n'est plus on ne sait plus utiliser, mais de chirurgiens qui arrivaient à opérer à distance via des dispositifs qui ressemblaient beaucoup à des jeux vidéo, à ce qu'on peut voir parfois dans certaines salles d'arcade où il y a une simili-moto, sauf que là, bah, c'était un simili-scalpel, etc. Est-ce que c'est utilisé ? Est-ce que ça devient courant ? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet aussi parfois des praticiens qui disent non, moi je préfère avec un bon vieux scalpel ou une bonne vieille lunette et voilà quoi. Oui. Bon, il y a de plus en plus de technologies, hein, à l'hôpital. Hein, ça devient c'est extraordinaire en quelques années combien la technologie a envahi tous les domaines. Alors effectivement, on peut avoir toujours la nostalgie de la clinique où on palpe, on écoute, on demande aux patients de dire 33 et on écoute comment ils toussent. Enfin, c'est toujours ça, c'est toujours très important. Mais en réalité, très rapidement, on va aller on va faire une IRM, on va faire un PET scan, on va faire une endoscopie, on va utiliser des technologies de plus en plus fines pour faire le diagnostic ou faire le traitement. Donc, je crois qu'il faut garder le bénéfice de cette technologie qui a changé complètement la médecine en quelques années. Hein, pour peut-être, alors pour le coup, garder, développer une dimension humaine, hein, autour de cette technologie. Mais pour revenir à votre question sur l'instrumentation, oui, donc en chirurgie, il y a des robots maintenant, hein, donc c'est plus pour un certain nombre de traitements, on passe par des robots. Alors pourquoi on passe par des robots ? Donc le médecin en fait se retrouve devant effectivement une console, manipule des espèces de pinces dans le vide, hein, qui reproduisent les mouvements haptiques. Donc le robot reproduit fidèlement les mouvements que fait le médecin à quelques mètres ou à des kilomètres ou à des milliers de kilomètres de distance. Hein. C'est l'expérience de Lindbergh en 2000, où était pratiquée une résection de la vésicule biliaire par un robot qui était, je crois, à Paris, et le médecin était aux États-Unis ou l'inverse, je ne sais plus, mais en tout cas l'idée c'était qu'effectivement on pouvait dissocier la présence du médecin un geste chirurgical direct via un robot. Et donc ça suppose effectivement, alors pourquoi on le fait, parce que un robot a un degré de liberté dans ses mouvements bien plus important que la main humaine, parce qu'on peut voir, on peut introduire un certain nombre d'instruments et les manipuler de manière beaucoup plus plus facile sans, bon, vous l'aurez compris, effectuer une large incision avec trois petits trous et puis on met des comme de la chirurgie cœlioscopique, on fait simplement quelques incisions et on va pouvoir traiter le patient. Donc les suites opératoires vont être largement plus bénéfiques. Le patient pourra même rentrer le soir chez lui. Donc c'est un bénéfice majeur. Bon, il y a des indications précises, mais c'est quand même une chirurgie ou des méthodes qui se développent largement. Je pensais aussi au fait que la simulation avec des scalpels en fait ou recoudre par exemple un patient, la première fois que je l'ai fait sur un pied de cochon comme beaucoup d'étudiants en médecine l'ont fait, c'est dommage parce que c'est pas simple de trouver un pied de cochon frais pour pouvoir s'entraîner aujourd'hui, on n'en trouve pas dans les supermarchés, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on s'entraîne toujours une première fois, on essaie de s'entraîner, de faire des sutures, d'apprendre, d'avoir un apprentissage de gestes, pas sur le patient mais évidemment, c'est quand même l'idée. Et la robotique c'est aussi cet élément qui permet d'être plus précis, d'être plus organisé dans la séquence de ce que l'on va faire, de planifier. Donc il y a des laboratoires ici à Rennes qui travaillent sur la planification des gestes chirurgicaux et qui utilisent notamment des techniques de robotique ou d'imagerie. Donc c'est des choses qui se développent effectivement et puis qui rejoignent la simulation dont on parlait et le jeu. Non, on a évoqué beaucoup de points, que ce soit de la chirurgie du patient, du rapport au corps et aussi à l'intellect. Du coup, on a envie de demander, qu'est-ce qui reste à gamifier là-dedans? Qu'est-ce qui reste à ludifier selon vous? Je pense qu'en tant que professeur d'université, vous voyez bien peut-être qu'il y a, on a parlé des données, puisque c'est le champ que tu pratiques. Qu'est-ce qui reste comme champ des possibles dedans? Alors, enfin, moi, je vois pas la gamification comme une fin en soi. Je la vois comme un moyen, éventuellement, de une stratégie qui permet de essentiellement l'acquisition de compétences ou de connaissances, alors que ce soit pour le patient, mais aussi pour le médecin. Et si je reviendrai sur ces travaux qui montrent que le jeu est probablement la meilleure stratégie d'apprentissage, c'est quand lorsqu'on regarde des lionceaux se jouer pendant des heures, c'est justement pour simuler ce qu'ils vont vivre dans un monde pas forcément toujours très très simple où la compétition est très importante. Donc grâce au jeu, on s'adapte au monde, on s'adapte à des situations complexes. Donc je le vois plutôt comme un moyen pour garder du plaisir en fait dans ce que l'on fait. Et puis le jeu procure finalement dans le jeu on se concentre, on fait beaucoup d'efforts, on réfléchit beaucoup, on focalise notre attention, on interagit avec les autres, on doit respecter des règles. C'est quand même très très consommateur en termes de ressources et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en tire un bénéfice, du plaisir. Je pense que c'est la meilleure stratégie, effectivement, de pouvoir acquérir des connaissances et des compétences en tirant du plaisir. Voilà. Et c'est certainement pas dans le bourrage de crâne ou dans le stress. Et puis on voit ça avec nos enfants. Plus on leur met la pression sans perspective de gain et de plaisir, moins on obtient de résultats. Donc il faut reprendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et la stratégie liée au jeu est certainement un des leviers majeurs à l'apprentissage. Très bien. Moi, je pense à une autre forme du jeu dans la santé. Alors, on a parlé d'éducation, de médiation. Moi, je pensais aussi à la sensibilisation. je me dis le jeu, donc c'est se sortir de soi-même, c'est être avec l'autre, ce que tu disais tout à l'heure, et je me dis est-ce que la ludification ça a touché aussi tout ce qui est sensibilisation. Là j'avais en tête un exemple notamment pour sensibiliser au handicap, prêter un handicap si je puis dire à quelqu'un qui est bien voyant, lui faire porter une cécité dans le cadre d'un jeu pour lui faire comprendre ce que c'est que d'être malvoyant, ou à contrario, je pense plus au handicap moteur, je pense la corpo de Rennes 1, les étudiants font des matchs, alors je ne sais plus de quoi, en fauteuil pour justement se sensibiliser eux-mêmes en tant que futurs praticiens au handicap physique en fait. Et du coup voilà, je me dis en termes de sensibilisation auprès des médecins mais auprès du grand public, l'ampleur en fait du jeu, ce que ça peut avoir. Alors oui, vous avez tout à fait raison, enfin tu as tout à fait raison dans ton commentaire, hein. Ça me semble absolument indispensable. On a tous vécu, je le souhaite à personne, mais des épisodes difficiles dans notre vie où on est passé, en tout cas les un médecin peut se retrouver de l'autre côté de la barrière, hein, peut se retrouver malade un jour et pris dans le système de soins, être hospitalisé dans un service d'urgence et observer ce qui se passe, hein, et puis changer complètement son point de vue sur ses pratiques. Et donc ça, c'est de la prise de conscience, et on se sensibilise là, malheureusement, dans une situation pas forcément très agréable, où on prend conscience que l'écoute, la bienveillance, le professionnalisme sont des qualités majeures de la relation médecin-patient. Hein. Et comme cette médecine devient très technologique et basée sur l'information, on peut oublier dans nos pratiques quotidiennes le fait de se mettre à la place du patient. Et donc ça, c'est absolument nécessaire. Alors, on voit effectivement toutes ces stratégies, hein, de porter des lunettes qui simulent, par exemple, un état éthylique, hein, où on ne voit plus, on ne sait plus, et puis on voit combien on perd l'équilibre en marchant, en essayant de marcher sur une ligne droite, ou ce que tu montrais donc ça, c'est comme expérience avec les fauteuils roulants. Donc moi, je pense que c'est très important, et ça rejoint en fait ce que l'on disait, hein, sur l'apprentissage de raisonnement clinique, hein, c'est finalement se projeter dans un rôle ou dans une situation que l'on ne connaît pas ou que l'on perçoit pas, et dans une situation quasiment authentique d'interaction, hein, donc de jouer le patient, de jouer le médecin, de jouer, donc on joue effectivement pour apprendre, pour développer ses capacités, et donc ça c'est extrêmement important aussi pour être sensibilisé à un certain nombre de choses, et notamment sur le plan relationnel. Là, il y a la maladie de Sachs, hein, ce fameux bouquin et film, hein, où on montrait effectivement l'œil du patient qui regardait ce que le médecin de la tête aux pieds. Enfin, quand on lit ce bouquin, on se rend compte de la perception potentielle du patient sur soi, et ça c'est très important. Hein. Il y a un effet blouse blanche. Vous connaissez l'effet blouse blanche, hein, donc. Dès que bon, il y a de l'hypertension, hein, ou une augmentation du battement cardiaque en situation de stress, et donc on sait que le fait de voir une blouse blanche fait monter la tension. Hein, classiquement, c'est ça. Donc il faut prendre l'attention au repos, le patient calme, voilà, et pas forcément être présent parce que le médecin, lui, dans sa relation, stresse d'une certaine manière sans vouloir, hein, le patient. Voilà. Donc il y a ces éléments-là, hein, notamment de prise en compte de la perception de l'autre, hein, comment il nous perçoit, comment il perçoit son environnement, ça c'est très important. Je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'on a été quand même très, très gentil jusqu'à présent, des formations professionnelles sans doute, mais on peut aussi dire, et ça peut aussi se comprendre, mais vous croyez vraiment que la santé des gens est un jeu ? Comment on démonte cet argument-là ? Ah oui, alors la santé des gens, c'est pas du tout un jeu, c'est quelque chose de qui nous touche tous, hein, parce que bon, on sera tous j'espère le moins possible, hein, malades, ou en tout cas on sera tous amenés à une échéance fatale, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave et sérieux, la santé, hein. Non, moi je pense que le jeu, encore une fois, c'est pas la santé qui est un jeu, c'est le jeu est un moyen, un levier puissant d'apprentissage, voilà, et qui préserve, hein, probablement la santé des patients, de la population, puisque on simule, on se prépare, on acquiert des compétences et des connaissances sans avoir d'interaction directe avec le patient dans un premier temps, par exemple. Et ça, je pense que c'est ça le message, hein, c'est que le jeu, probablement l'approche ludique, permet de ne pas rentrer directement de prendre des décisions directes avec des situations complexes liées aux patients, mais d'avoir une espèce de sas de sécurité, en fait, hein, avant d'être projeté dans une vie professionnelle, en tout cas pour un jeune médecin, et de prescrire, là, pour le coup, ou d'opérer sur un vrai patient. Là, c'est sérieux. Marc, tu as évoqué ces gamètes tout à l'heure, donc un colloque universitaire qui parle du jeu sérieux appliqué à la médecine et à la santé. Et pour ceux que ça intéresse, en fait, l'édition 2016 aura lieu du 25 novembre au 3 décembre, et ils ont un WordPress qui est bien fait et qui rediffuse une partie des interventions. Il y a même un gamathon, je crois, cette année, dans les news que j'ai vues. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site, parce que il y a vraiment beaucoup de ressources pour les néophytes comme pour les plus spécialistes, donc faut pas hésiter. Comme dernière question, on va peut-être s'éloigner un peu de la santé. Depuis le début de cette saison, on a posé une question à tous nos invités, qui était les expériences de jeu. Donc Marc, peux-tu nous faire part d'une expérience de jeu marquante que tu as pu avoir, donc pas forcément dans le domaine de la santé, en général, juste en tant que joueur? Oui, ah, c'est, on prend un peu en traite là. Expérience de jeu. Bah, la dernière expérience de jeu, c'était ce week-end avec mes enfants autour d'un jeu qui s'appelle Colt Express, hein, et c'était extrêmement drôle de jouer à ce jeu. J'ai un deuxième qui gère mal ses émotions lorsqu'il perd, et ça demande de la stratégie, de l'anticipation, et jamais, enfin, rien ne se passe comme prévu dans ce jeu, donc c'est ça qui est extraordinaire. Et mon garçon progresse, hein, je le vois progresser dans sa maîtrise, dans ses capacités à anticiper, dans sa capacité à ne plus être colérique dans son interaction avec les autres, et je me dis que vive le jeu, c'est formidable. Et ben, si ça c'est pas une démonstration de l'intérêt du jeu, que ce soit dans la médecine ou dans d'autres cas de figure. Merci beaucoup Marc, et nous on se retrouve donc dans 15 jours, j'ai oublié le thème, mais on va le retrouver quelque part, vous le retrouverez donc sur Ludologie. En attendant, jouez tant que vous pouvez.